sort d'un Paris, ça serait pire qu'elle est. Comment comparer la donnée d'un petit valet? Ils font les meufs classes, mais je les vois tous se avaler. Les vrais reconnaissent vrais de Marseille au pas de Calais. J'arrive au pas de course, on connaît la galère. Toi pour un billet, tu vendrais périmère. T'es déclassé, ton flow est périmé. Viens pas tester, on te casse le périnée. J'suis mauvais, mais j'suis pas la mort à mon pire ennemi. Boycotté, qui est l'épidémie. Remplis tes livres, le bicra que te chie. Ça rentre pas dans ton cul, mais tout dans ta techa. Joue pas la ressa, tu sais que tu ça. On fait du ça, t'exécutes comme ça. Dans mon équipe, on est très peu sociable. À force de jouer au compte, t'attires les flammes du diable. À force de jouer au compte, t'attires les flammes du diable. Yo, Stark, Stony, Pedo, les rimes sonnent comme des ringtones. Call me six phone. Le temps tourne et ma tête s'envole comme dans le vaisseau. Plus de réseau, je quitte la terre avec un verre, j'tisso. Y'a le manque de pesos qui nous pousse à ce vaisseau. Et c'est solo qu'on est qui va te laisser des sous. Qui va te laisser des sous. Une fois que la faucheuse viendra te donner des leçons. Viendra te donner des leçons. Profite, on abuse sans conscience ni remords. Une fois mort, on regrette. Rien à foutre de ton or. Rien à foutre de ton or. Rien à foutre de ton or. Faire marche arrière, retourner dans le passé. On y a songé. Aller de l'avant, que l'avenir qui pourra nous changer, que l'argent qui pourra nous ranger. J'écris ma passion, je vais à fond mon projet. Hey oh, Stark, Stony, Pedo, les rimes sonnent comme des ringtones. Call me six, call me six, call me six, call me six, call me six. Pédo, les rimes sonnent comme des ringtones. Call me six pound. Hey oh, Stark, Stony, Pédo, les rimes sonnent comme des ringtones. Call me six pound.